إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، دونك on va continuer aujourd'hui dans la suite de l'explication des règles du takfir, et c'est l'introduction qu'on faisait pour les cours de Nawaqid al-Islam, Sharh Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam expliqués par le cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Et donc on est arrivé à la partie 3B, parce que j'avais dit que c'était de 3 cours, donc on a fait jusqu'à maintenant 4 cours, le cours 1, le cours 2, on a fait jusqu'à maintenant le cours 1, le cours 2 et le cours 3, c'est ça. Et aujourd'hui ça va être le quatrième cours, mais on l'a appelé, ou on l'a énuméré 3B, pourquoi? Parce que on avait fait 3 cours là, dans la série préalable. Et donc, pour que ça ne dépasse pas le nombre de 3, on a divisé le cours 3 en 2 parties. Naam. Donc, on a expliqué dans le dernier cours les choses qui ont rapport avec Ash-Shurut ou Al-Mawani' par rapport au Takfir, c'est-à-dire les conditions et les empêchements par rapport au Takfir. Et donc, on en a parlé un peu. Si jamais vous avez besoin de plus de détails par rapport à certaines questions, comme qu'est-ce qu'on avait mentionné au sujet de les questions de l'excuse par rapport à l'ignorance, on avait parlé de ça en détail dans le cours 9 du livre de Tawhid Risalatun fi Tawhid al-Ibada. C'est une risala au sujet du tawhid de l'adoration, et le cours il est sur le site. C'est un livre de Cheikh Bazmoul, l'explication d'un livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab par le Cheikh Mohammed Bazmoul. Le cours numéro 9, dans le cours numéro 9 on a parlé de la question de Al-Uzr Bil-Jahl en détail, en citant les explications. Donc ceux qui veulent avoir plus de compréhension par rapport à ce sujet là peuvent retourner donc à ce cours-là, puis c'est le même cheikh, le cheikh Bazmoul. Donc on va commencer tout de suite avec le cours d'aujourd'hui. On est arrivé au principe numéro 8, au principe numéro 7, au principe numéro 7 dans les questions du takfir. الضابط السابع الكفر يكون بالقول بمجرده كمن سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بهما أو بالدين، وقد يكون الكفر بمجرد الفعل كمن يسجد لمن يعبد من دون الله تعالى أو يطوف بالقبر، وقد يكون الكفر بأمر اعتقادي، وقد يكون الكفر بالشك. Donc le cheikh explique qu'il est possible que le kufr soit uniquement par la parole, c'est-à-dire que quelqu'un commette un acte de kufr uniquement par la parole, comme par exemple celui qui insulte Allah, ou qui insulte son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou qui insulte ou se moque de la religion ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait ces choses là il se moque de la religion, ou bien il insulte Allah, son messager, ou la religion, ou quelque chose qui a rapport avec la religion, que ce soit quelque chose qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça, c'est une forme de kufr par la parole, et c'est suffisant. C'est-à-dire que si quelqu'un fait ce genre de choses, hein, il insulte ou il se moque de la religion, c'est une parole qu'il dit, mais c'est quelque chose qui est suffisant pour que ce soit kufr et pour qu'il sorte de l'islam en l'ayant fait. Ensuite, il donne un autre exemple, qu'il dit que c'est possible que le kufr soit également uniquement par les actions, comme quelqu'un par exemple qui se prosterne à quelque chose qui est adoré en dehors d'Allah. Hein, il se prosterne devant quelque chose qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quelqu'un qui fait le tawaf autour d'une tombe. Ça, c'est une autre forme de kufr par action. Une autre forme de kufr par action. Et c'est possible également que le kufr soit un kufr dans la croyance. C'est-à-dire, quelqu'un ait une croyance en quelque chose qui est kufr ou shirk. Hein? Donc, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui annule sa foi aussi. Comme quelqu'un qui croit, par exemple, que Allah a un fils. C'est un kufr. Ou quelqu'un qui croit, par exemple, que son cheikh, il a la connaissance du raïb, hein, et qu'il a le pouvoir sur l'univers. Donc ça aussi, c'est une croyance qui est kufr, hein, qui est shirk, puisque tu donnes à une créature des attributs divins, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des exemples de croyances de kufr. Ou bien la croyance en wahdat wujud, comme chez les soufis, qui croient, par exemple, que tout est Allah, ou que Allah est tout, hein, qui croient une sorte ou une forme de panthéisme. Ça, c'est également une forme de kufr, hein, et de shirk. Et c'est quelque chose qui annule la foi de quelqu'un. Et il y a plein d'autres exemples de croyances comme ça qui peuvent rentrer dans qu'est-ce qui est kufr et shirk. Comme par exemple quelqu'un qui rejette la foi en les anges, ou la foi en le jugement dernier, ou la foi en Al-Qadar. Hein? Donc ça, c'est des choses qui sont kufr et qui ont rapport avec la croyance, avec Al-Aqidah, si on veut. D'accord? Donc ça, c'est des aspects de kufr qui sont reliés à l'Aqidah. Et ensuite, il y a aussi des choses qui ont rapport avec le kufr dans le doute. Le fait de douter en quelque chose qui est clair et certain dans la religion, ça aussi, ça représente une forme de kufr aussi. Donc, le cheikh, il mentionne des versets qui ont rapport avec les sujets qu'on a mentionnés comme preuve. Il dit, par exemple, il mentionne le verset 65 et 66 dans surat At-Tawbah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Ok, donc ce verset qu'on vient de lire en arabe, il signifie, et si vous leur demandez, ils diront qu'ils ne faisaient que jouer et s'amuser, ils ne faisaient que discuter et s'amuser entre eux. Dit, est-ce d'Allah, de ses signes, de son messager, dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc ça, c'est le verset que les ulama mentionnent comme preuve que de se moquer de la religion, ou d'insulter la religion, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah subhanahu wa ta'ala, que ça, c'est quelque chose qui annule la foi. Et le cheikh dit, « وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ وَانْتِفَاءَ الْمَوَانِعِ حَتَّى يُحْكَمُ بِالْكُفْرِ » Et le cheikh, il rappelle, après avoir mentionné ces quatre points-là, hein, que pour montrer que le kufr peut se produire par ces quatre choses-là individuellement, soit par la parole, soit par l'action, soit par la croyance, ou soit par le doute. Il mentionne après que dans tous ces cas-là, il faut que les conditions soient présentes pour qu'on puisse déclarer qu'un individu est kafir en particulier. C'est-à-dire pour déclarer un individu spécifique comme étant kafir, il faut absolument que se réunissent les conditions et que soient éliminés les empêchements pour que le verdict du takfir ou du kufr soit appliqué sur cette personne. Donc ça, c'est des règles que des gens ignorent ou des gens n'appliquent pas et ils font le takfir de certains individus sans respecter les conditions et sans prendre en considération les empêchements. Et donc, ils font des takfirs d'individus spécifiques sans respecter les principes et ça les fait tomber donc dans des graves erreurs à cause de ça. Le principe numéro 8, أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر والله يتولى السرائر فليس لأمته من بعده صلى الله عليه وسلم إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله لأنه لا نعلم الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بقبول الظاهر كما يدل عليه حديث أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أن حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. Donc le principe numéro 8, c'est que le cheikh il explique que on doit juger les gens selon l'apparence et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge les intérieurs, c'est-à-dire les cœurs et les intentions. Et souvent ça c'est un problème à notre époque de la part de certains qui parfois pensent que on n'a pas le droit de juger. Et ils disent que dans l'islam, c'est interdit de juger les autres. Ça, c'est complètement faux. Au contraire, on a le droit de juger les autres et parfois même, on est obligé de juger les paroles et les actions de quelqu'un pour savoir qu'elles sont en contradiction avec le Coran et la Sunna et que l'action ou la parole de la personne en question, elle est incorrecte. Hein, et que c'est quelque chose de mauvais. Et puisque l'islam nous ordonne d'ordonner le bien et d'interdire le mal, eh bien, comment on peut faire cela sans juger? C'est-à-dire, juger que l'action en elle-même ou la parole en elle-même, elle est bonne ou mauvaise. On doit le faire, mais par contre, pour que ce jugement-là soit bon, soit valable, eh bien, il faut qu'il soit fait avec connaissance. C'est-à-dire que la personne, elle doit, si elle va juger de quelque chose par rapport à l'islam, il faut qu'elle juge avec science. C'est-à-dire qu'elle se base sur les preuves du Coran et de la Sunna pour déterminer que cette chose-là, elle est bonne ou mauvaise. Et puis ensuite, elle se base sur ce qui est apparent, non pas sur ce qui est caché. Hein, si quelqu'un, par exemple, tu le vois en train de voler, hein, tu vas pas dire ah mais dans son cœur, il est bon ou il voulait pas voler. Nous on sait pas qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, on connaît pas son intention. Mais si quelqu'un rentre dans la maison d'une autre personne et qu'il essaie de prendre quelque chose qui lui appartient pas, hein, eh bien c'est clair que cette chose là c'est quelque chose qui est haram, que la personne qui fait ça c'est un voleur. Hein? Donc maintenant de rentrer dans son intention, dans son cœur pour savoir exactement s'il a voulu faire ça pour voler ou non, Allahu a'lam. Hein? Peut-être qu'il se prenait pour pour quelqu'un qui veut établir la justice, comme certains parfois qui pensent qu'ils volent aux riches et ils redonnent aux pauvres, et ils pensent que ça fait que c'est quelque chose de justifié. Et il pense alors qu'il a une bonne intention en faisant ça. Donc le fait d'avoir une intention qui peut paraître bonne, ça ne veut pas nécessairement dire que l'action elle-même elle est bonne. Et surtout si l'action elle-même, c'est clair que c'est contraire au Coran et à la Sunna. Bon, il y a un exemple ici aussi qui est mentionné par le Cheikh, une preuve du Coran, une preuve de la Sunna plutôt. C'est le fait que après le prophète, il mentionne qu'après le prophète, il n'y a personne qui connaît la réalité de qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, excepté qu'est-ce qui est apparent. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, il ne savait pas tout de ce qui est dans le cœur des hommes, uniquement ce qui avait été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui révélait pas tout par rapport à l'état des cœurs des hommes, mais uniquement ce qui était nécessaire à sa mission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas le ghaib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'invisible. Et même que Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans plusieurs versets dans le Coran, il mentionne que il ordonne à son prophète de dire que personne ne connaît le ghaib excepté Allah. Donc ça, c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas le ghaib. Et également, il y a le fait qu'il savait uniquement qu'est-ce qui a été révélé. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans surat Al-Jinn, à la fin de la surah, il mentionne le fait que عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ. Donc, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le connaisseur de l'invisible. Et il n'y a personne qui connaît le ghaib, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, excepté à celui qu'il a iré comme messager. Donc il lui révèle des choses qui ont rapport avec le ghaib pour lui permettre de mener à bien sa mission. Mais ce n'est pas qu'il a la connaissance de tout ce qui est al-ghaib. Donc ça, c'est très important de le comprendre, parce que parmi les soufis, il y en a qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la connaissance du ghaib au complet, sans limite. Et il y en a qui attribuent même cette idée et qui pensent ça aussi à propos de certains de leurs chouyours. Certains de leurs chouyours, c'est-à-dire des chouyours soufis qu'ils suivent. Ils pensent qu'ils connaissent le ghaib. Donc ça, c'est des croyances fausses. Donc il faut savoir qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas d'autres possibilité que de juger par qu'est-ce qui est apparent. On n'a pas d'autre possibilité que de juger par ce qui est apparent des paroles de quelqu'un et de ses actions et de l'accepter. Qu'est-ce qui a rapport avec l'intérieur de la personne et de son cœur et de son intérieur et du rêve? Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'accepter qu'est-ce qui est apparent et de prendre qu'est-ce qui est apparent. Et il y a même un hadith à ce sujet-là qui est un hadith très significatif, qui est une preuve dans ce domaine-là, et qui est un hadith que j'aime beaucoup, justement, puisqu'il appelle les gens à juger par qu'est-ce qu'ils savent et non pas par autre chose. Le cheikh, il n'a pas mentionné ce hadith-là, mais moi je vais le citer quand même. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وفي لفظ فأحسبه صادقا. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Umm Salama que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous venez ramener vos disputes et vos désaccords vers moi, et il se peut que certains d'entre vous soient plus éloquents à présenter sa preuve que d'autres, et moi je ne juge que par ce que j'entends. Alors si jamais je juge pour l'un d'entre vous et que je lui donne le droit de son frère, qu'il ne le prenne pas, parce que je lui donne uniquement une partie du feu, ou une part du feu dans ce cas, parce que je le pense comme étant véridique, ou je le crois comme étant véridique. Ça, c'est dans une autre narration. Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'expliquer dans ce hadith-là que si des gens viennent pour se faire juger devant lui, il juge selon ce qu'il entend. Et certaines personnes, parfois, peuvent avoir tort, mais étant donné qu'ils parlent bien, qu'ils s'expriment bien, qu'ils sont éloquents et tout, ils ramènent leurs arguments, et donc ils ont l'air plus convaincants que l'autre, qui est celui, en fait, qui a été lésé, hein, et qui a été opprimé. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il se base sur qu'est-ce qui est apparent et sur qu'est-ce qui est dit, hein? Et donc il donne le droit à l'autre, celui qui ne mérite pas, c'est lui qui reçoit le droit de son frère à cause de ça, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il juge uniquement par la justice et qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il entend. Mais il dit, si jamais une chose comme ça se produit, hein, et que quelqu'un comme s'il m'a montré ou m'a donné des arguments, il s'est bien exprimé au point que j'ai cru que ce qu'il a dit c'était ça qui était vrai alors que c'était pas le cas, eh bien qu'il ne prenne pas ce que je lui ai donné dans ce jugement là hein, qu'il le remette à celui à qui ce droit là va, parce que sinon il prend un morceau de l'enfer avec lui. C'est comme s'il prenait une partie de l'enfer avec lui, ou du feu de l'enfer. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a cru que cette personne était véridique. Et donc ça, c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il jugeait entre deux personnes, il ne jugeait pas selon qu'est-ce que Allah lui révèle de la révélation à ce moment-là, nécessairement. Hein? Il jugeait selon qu'est-ce qu'on lui présentait comme argument. Et ça, c'est un exemple qui est donné pour les juges qui viennent après lui, qui jugent selon la charia. Et lorsque des gens viennent devant les juges pour présenter leur cause, eh bien, ils doivent être francs et honnêtes et véridiques. Et que si ils présentent des arguments à un juge et que par la suite, il arrive à faire passer quelque chose qui n'est pas vrai et qu'il se permette par la suite de prendre le droit de son frère à cause de ça, eh bien, il doit savoir qu'il est sous la menace de l'enfer s'il agit comme ça. Et que ce qu'il a pris de son frère dans cette dunya, injustement, eh bien, il ne va pas pouvoir s'en échapper du châtiment relié à ça dans l'au-delà. Ok? Donc, ça, c'est par rapport au fait de juger par qu'est-ce qui est apparent, encore une fois. Et le hadith que le cheikh mentionne dans le livre, c'est le hadith de Usama ibn Zayd, lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé dans une mission avec une partie de l'armée. Et on est arrivé donc au matin vers les gens de Juhayna. Et on a attrapé un homme. Et cet homme-là disait « La ilaha illallah ». Et il dit « Je l'ai frappé avec mon épée ». Malgré qu'il a dit « La ilaha illallah », donc Usama ibn Zayd, il dit « Je l'ai frappé de mon épée ». Il l'a tué. Et il a dit « J'ai senti quelque chose en moi-même par rapport à ça ». lorsque j'ai agi de cette façon, je me suis senti mal en moi-même et je suis allé mentionner ça au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai expliqué ce qui est arrivé. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, est-ce que la personne a dit la ilaha illallah, puis toi tu l'as tué par la suite? Il a dit, ô messager d'Allah, cette personne a uniquement dit la ilaha illallah par crainte de mon arme, ou par crainte de mon épée. Hein? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, est-ce que tu as ouvert son cœur pour vérifier à l'intérieur avant? Est-ce qu'il l'avait dit vraiment ou non? Hein? Donc, en voulant dire, quand une personne te dit la ilaha illallah, eh bien, tu ne dois pas le tuer. Tu ne peux pas savoir s'il est véridique dans ce qu'il dit, si qu'est-ce qu'il dit, c'est sincère ou non. Mais tu dois t'abstenir de le frapper une fois qu'il l'a dit. Hein? Et si par la suite, hein, comme on avait expliqué dans le charh de Kashf al-Shubuhat, si on voit par la suite qu'il a menti par ses actions et par ses paroles, et qu'on voit qu'il contredit ce qu'il dit, ça c'est autre chose. Mais sur le moment, du moment que la personne dit la ilaha illallah, eh bien le croyant doit s'abstenir. À partir de ce moment-là, il n'a plus le droit de lui toucher, hein, de le toucher. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué de lui répéter cette parole. Est-ce que tu avais ouvert son cœur pour savoir s'il l'a dit ou non? Est-ce que tu avais ouvert son cœur? Est-ce que tu avais ouvert son cœur? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété plusieurs fois. Et Oussama ibn Zayd, il a dit, à ce moment-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le répétait, j'ai eu des remords d'avoir tué cette personne, à un tel point que j'aurais souhaité que je ne m'étais pas converti à l'islam avant ce jour-là. Hein? C'est-à-dire, il aurait préféré ne jamais avoir commis cette erreur-là dans l'islam. Bon, le cheikh dit ensuite, « وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ أَخْبَرَ نَبِيَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِمْ مقيمين معتقدين للكفر وعرفه إياهم بأعيانهم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم إذا كانوا يظهرون الإسلام بألسنتهم فكذلك الحكم في كل أحد من خلق الله أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن وقد روي مثل ذلك عن الأئمة ومحل هذا ما لم يكن الأمر الكفري محتملا للكفر وغيره. Donc le cheikh explique que il mentionne donc une parole ici, qu'est-ce qui est expliqué par rapport au fait que Allah subhanahu wa ta'ala avait mentionné à son prophète qui étaient les hypocrites, qui étaient parmi ses compagnons et qui croyaient en qu'est-ce qui est kufr, alors qu'ils montraient qu'ils étaient musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qui ces munafiqines étaient, c'est-à-dire il connaissait les hypocrites un à un, chacun d'entre eux, et il savait, hein, qu'ils étaient des hypocrites. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé cette information-là. Et Allah ne lui a pas permis de les tuer, hein, et de les prendre prisonniers, hein, ou de les prendre esclaves, malgré qu'il savait que c'était des kuffars et que c'était des ennemis de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il jugeait par qu'est-ce qui était apparent. Il jugeait de leur islam qui était apparent et de ce qu'ils disaient avec leur langue. Hein? Et c'est ainsi donc que le verdict doit être pour toute créature d'Allah. Il doit être jugé selon ce qui est apparent et non ce qui est caché. Hein? Et des choses semblables ont été mentionnées de la part des imams. de la part des imams de l'islam. Et vous voyez donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait que ces gens-là étaient des kuffars, et il savait que c'était des munafiqin, des gens qui cachaient leur mécréance, mais il ne les a pas exécutés. Il aurait pu les exécuter et les gens auraient dit: ah, mais pourquoi le messager tue ces gens-là alors que ce sont des musulmans qui ont dit la ilaha illallah, hein, et qui pratiquent l'islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ça dans plusieurs hadiths. Hein. Il a dit: je ne veux pas que les gens disent que le messager est en train de tuer ses compagnons. Parce que s'il dit ça, les gens vont fuir l'islam. Hein. S'il faisait ça, les gens allaient fuir l'islam. Parce qu'ils n'allaient pas comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yani, agit de cette façon-là. Pourquoi il agit de cette façon-là, hein? Et bien entendu, il aurait agi selon la révélation. Mais pour nous montrer, pour nous enseigner en même temps les règles qui ont rapport avec ces choses-là, il nous interdit donc de juger par yani, autre chose que qu'est-ce qui est apparent. Puisque de toute façon, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de révélation. Donc on ne peut pas prétendre connaître l'intérieur des cœurs ou le contenu des cœurs des hommes. Donc il ne reste que qu'est-ce qui est apparent. Et c'est là-dessus qu'on doit se baser sur, par rapport au verdict du takfir et par rapport à tout autre verdict ou jugement qui ont rapport avec les actions et les paroles des gens. الشيخ يقول: ومحل هذا ما لم يكن الأمر الكفري محتملا للكفر وغيره. Donc le cheikh il dit que cette question là par rapport au fait de juger par l'apparence, c'est uniquement par rapport aux choses qui sont kufr et qui n'impliquent rien d'autre que le kufr. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui peuvent parfois impliquer ce qui est kufr et ce qui n'est pas kufr aussi. Donc dans des cas comme ça, on va pas seulement juger selon l'apparence. S'il y a des cas que quelque chose qui est fait par quelqu'un, ça peut être un kufr et ça peut être autre qu'un kufr aussi. Dans ce cas-là, on va pas juger automatiquement par l'apparence seulement. Il faut demander à la personne des explications avant de pouvoir dire que la personne, pour quelle raison elle l'a fait. Tandis que si c'est une chose qui ne peut impliquer rien d'autre que le kufr, alors dans ce cas-là, c'est par l'apparence seulement. Hein? Par l'apparence. Le cheikh explique dans le point numéro 9 cette question-là, les détails là-dessus. Il dit: الضابط التاسع الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حتى يتبين. وإذا كان لا يتطرق إليه غير الكفر حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. الشيخ يقول donc si la chose en question ce كفر n'a pas d'autre implication que le kufr, dans ce cas-là, on va juger que la personne a commis un kufr après avoir vérifié que les conditions sont présentes et qu'on a éliminé les empêchements. Toutefois, si le kufr peut impliquer quelque chose qui est kufr et quelque chose qui est autre, on ne va pas juger de la personne dans ce cas-là qu'elle est kufr jusqu'à ce qu'on ait vérifié chez cette personne-là. Et le cheikh il dit: وعن عبيد ابن عبد الله عن عبيد الله ابن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد ابن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا وتعادى بنا خلينا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا اخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش لم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ أتاني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Donc le cheikh il rapporte ce hadith qui est le hadith de l'histoire qui a rapport avec Abi Balta'a, Ibn Abi Balta'a. En fait, c'est rapporté selon Ubayd ibn Ibn Rafi'. Il a dit, j'ai entendu Ali, radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a envoyé, moi, c'est Ali, radiallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a envoyé, moi, ainsi que Az-Zubayr et Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Et il nous a dit, allez à un endroit qui s'appelle Rawdat Khakh, et vérifier s'il y a une femme qui a une lettre avec elle sur une monture. Donc, lorsque vous trouvez cette lettre, prenez cette lettre et ramenez-la. Alors, ils sont partis jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à l'endroit que le prophète Sansom avait dit, à Rawda. Quand ils sont arrivés là, ils ont vu effectivement un chameau avec une monture qui indique qu'il y avait une femme dans cette monture-là. Et ils sont arrivés et ils ont dit à la femme « Sors la lettre ». Et elle a dit « Je n'ai pas de lettre ». Et ils ont répondu « Soit tu sors la lettre ou bien on va être obligé de t'enlever tes vêtements jusqu'à ce qu'on la trouve. » Alors elle a pris cette lettre qui était cachée dans ses cheveux et elle l'a donnée. Et ils ont pris la lettre et ils l'ont ramenée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie des exemples, des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su par la révélation. C'est des exemples par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, ils ont pris la lettre et ils l'ont ramenée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la lettre, c'était écrit de la part de Hatib ibn Abi Balta'a à des gens parmi les mouchriquins de la ville de Mecca. Et il y avait dans cette lettre des informations au sujet de ce que voulait faire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparait à attaquer la Mecque avec son armée. Donc, il y avait dans cette lettre des secrets militaires qui étaient transmis aux ennemis. Ça, c'est ce qui est en apparence. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Il a demandé, ya Hatib, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Et Hatib a répondu, il a dit, ô messager d'Allah, ne te précipite pas. Hein, c'est-à-dire, ne te précipite pas à mon sujet par rapport à qu'est-ce que tu viens de voir. Il dit, moi j'étais une personne qui était collée à Quraysh, mais je ne faisais pas partie de Quraysh elle-même. Tandis que ceux qui sont parmi les Muhajirin, parmi ceux qui sont avec toi, ils ont tous des liens de parenté à Mecca qui protègent leurs biens et leur famille. Et moi, j'aurais voulu obtenir de la part des gens de Quraysh la même chose que ce que ceux-là ont reçu par les liens de parenté en cherchant une aide parmi les gens de Mecca qui auraient pu protéger ma famille et mes biens aussi. Et je ne l'ai pas fait par mécréance ou par apostasie, ni par satisfaction de la mécréance après l'islam. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il vous a dit vrai. Il vous a dit vrai. Donc, c'est pour dire que l'acte qu'il a fait, en apparence ici, ça pouvait donner l'impression qu'il était en train de vouloir donner à l'ennemi des informations militaires secrètes. Hein? Et ça, c'est une forme de trahison. Hein? Et c'est une forme c'est un acte de trahison. Et ça peut être compris comme étant un acte de nifaq, hein? Un acte d'hypocrisie. Alors, c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi frapper le coup de cet hypocrite. Hein? Le fait que ça peut impliquer ça, mais ça peut impliquer également autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement ça que Hatib voulait faire. Puisqu'il a expliqué son intention, il a expliqué pourquoi il a fait, que ce n'était pas pour aider les mouchriquines contre les musulmans, c'était plutôt pour protéger ses biens et sa famille contre les mouchriquines qui sont à Mecca. Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il vous a dit vrai. Et quand Omar a dit, laisse-moi frapper le coup de cet hypocrite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite, il fait partie de ceux qui ont été présents à la bataille de Badr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les gens de Badr et il a dit, faites ce que vous voulez. Parce que je vous ai pardonné. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi. Donc, le Cheikh explique ce hadith. Il dit, fihi anna man jaa bi qawlin ou fi'lin yahtamilu al-kufr wa ghayrihi. Yahtamilu al-kufr wa ghayrahu. La yuhkamu alayhi bil-kufri hatta yustafsal minhu. Wa yustadhar an halihi. Donc, le Cheikh, il dit que dans ce hadith-là, il y a la preuve que si quelqu'un a fait ou a dit quelque chose qui implique le kufr ou qui implique autre que le kufr, on ne doit pas le juger directement par le kufr jusqu'à ce qu'on ait demandé à la personne de s'expliquer, de clarifier son état pour qu'on puisse vérifier et savoir pourquoi cette personne-là a fait ou dit cette chose. Et le cheikh, il dit ensuite, « Wa mahallu shahid » أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل حاطب عما صدر منه فقال عليه الصلاة والسلام يا حاطب ما هذا؟ Donc le point qui est important dans le hadith en question, c'est lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a demandé à حاطب à propos de ce qu'il a fait. Il a dit oh حاطب, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Et le cheikh dit ويدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الاستهزاء بالله وبآياته ورسوله من بعض الصحابة وكان هذا صدر منهم لا يحتمل غير الكفر لم يقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتذار وصار يردد عليهم قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بينما في قصة حاطب سأله يا حاطب ما هذا Donc le cheikh il dit la preuve de ce qu'on dit par rapport au fait que lorsque quelque chose peut impliquer qu'est-ce qui est kufr ou non, dans ce cas-là il faut demander les détails et demander à la personne de s'expliquer, c'est prouvé par le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des gens se sont moqués d'Allah et de ses signes et de son messager, lorsque cette chose-là s'est produite, hein, et que ça ne pouvait impliquer rien d'autre que le kufr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté leur excuse à ce moment-là. Et même que il répétait le verset 66 dans sourate Tawbah qui dit la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Tandis que là, dans l'histoire de Hatib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé c'est quoi son excuse. Donc c'est la preuve que c'est pas les deux sont pas le même cas. Hein, celui qui se moque de la religion, hein, celui qui se moque d'Allah, de ses signes, de son messager, de quelque chose qui a rapport avec la religion, c'est dans ce cas-là, c'est clair que c'est un kufr. Il n'y a pas d'autres implications possibles. Tandis que dans le cas de l'exemple de Hatib ibn Abi Balda'a, ou d'autres cas aussi, il y a des choses qui peuvent impliquer que c'est kufr ou autre que le kufr. Et dans ce cas-là, il faut demander des explications. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et il dit, وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعليقا على حديث حاطب وفي هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله. Donc le cheikh, l'imam al-Shafi'i mentionne, il dit que, en parlant de l'histoire de Hatib, l'imam al-Shafi'i il dit, dans ce hadith, avec ce qu'on a décrit, il y a le fait qu'on doit repousser un verdict, par rapport à ce qui est incertain, quand c'est relié avec des doutes, on n'est pas clair dedans. Quand il y a des conjectures dans le verdict, il faut le repousser. Et il dit, c'est comme l'exemple ici de la lettre en question. Il y a plusieurs implications à cette lettre. Il est possible que Hatib, comme il dit ici, qu'il ne l'a pas fait parce qu'il doutait en l'islam, mais parce qu'il voulait protéger sa famille. Ou bien qu'il l'a fait par erreur et non pas parce qu'il désirait quitter l'islam ou autre que l'islam. Et il y a aussi la possibilité, qui est la plus laide dans la signification, et c'est-à-dire qu'il a fait ça par rapport au fait qu'il aurait voulu aider les ennemis de l'islam contre les musulmans ou des choses de ce genre. Et ça, il dit, dans ce cas-là, c'est à lui que revient le fait de s'expliquer dans son action. Et c'est pour ça que le messager d'Allah lui demande qu'est-ce que c'est que ça. Et il dit wa hakama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fihi bi an lam yaqtulhu wa hakama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fihi bi an lam yaqtulhu wa lam yasta'mil alayhi al-aghlab wa la ahad ata fi mithli hadha a'zamu fi adh-dhahir min hadha li anna amra rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mubayyanun في عظمته لجميع الآدميين بعد من لجميع الآدميين بعده. فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبولا كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه أو قبل منه. قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق، إنما تركه لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره، فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماؤهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم، ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر لئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية. وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصا أو جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله. انتهى كلامه. Donc l'imam al-Shafi'i continue son explication. Puis il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce verdict-là, il n'a pas ordonné qu'il soit exécuté et il n'a pas utilisé avec lui le jugement de la majorité. ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا. Donc il n'y a personne qui a ramené un exemple plus grand que cet exemple-là dans qu'est-ce qui est apparent que cet exemple, l'exemple de Hatib. Et il dit parce que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est différente que l'ordre de tous les autres êtres humains qui peuvent venir après lui dans sa grandeur. Hein? Donc si la personne qui informe les mouchriquins de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses secrets, de vouloir les attaquer ou partir en guerre contre eux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte son excuse et il ne se base pas sur ce que la majorité des gens ont dit contre lui et de qu'est-ce qui se passe dans leur esprit au moment où ils entendent parler de cette action-là. Donc, il dit, toute personne qui vient après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est en vrai, il mérite plus encore, yani, qu'on agisse ainsi avec lui et qu'on lui donne cette excuse-là comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné. Et il répond, quelqu'un dit à l'imam al-Shafi'i, ne vois-tu pas que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit vrai, qu'il a laissé aller uniquement parce qu'il sait qu'il est véridique, et donc que sa parole n'implique que la vérité et non autre, en voulant dire qu'il a su que Hatib a dit vrai par rapport au fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a su par la révélation. Et ici il répond, l'imam al-Shafi'i, il répond à ça en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam savait exactement qui étaient les munafiqin et il savait que c'était des menteurs, et malgré tout il protégeait leur sang et leur bien par l'apparence, par qu'est-ce qu'il montrait en apparence de l'islam. Donc si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait jugé à propos de Hatib par rapport à la révélation, pour savoir qu'il était véridique, alors dans ce cas-là, il aurait jugé aussi par la révélation les munafiqins, alors qu'ils auraient tué, ils les auraient exécutés pour leur mensonge, puisqu'ils savaient que c'était des menteurs. Et donc, il dit, mais il n'a pas agi ainsi. Il a jugé uniquement par l'apparence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va juger leur intérieur. Et c'est pour que les juges qui vont venir après lui, c'est-à-dire après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne délaissent pas un verdict ou un jugement pour une des causes, parmi les causes de la jahiliya. Et il dit, tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné comme jugement, alors c'est quelque chose qui est général. Excepté s'il y a une preuve qui a été rapportée à son sujet qui montre que c'est quelque chose de spécifique pour un individu ou pour un groupe en particulier. Donc ça c'est qu'est-ce que l'imam Shafi'i a mentionné à ce sujet-là. Et il y a plus de détails qui ont été mentionnés à ce sujet-là dans d'autres contextes, dans d'autres livres aussi, en détail à ce sujet-là. Mais ce point-là, c'était juste pour montrer, parmi les principes du takfir, que si quelque chose peut impliquer un kufr ou autre que le kufr, dans ce cas-là, il faut demander à la personne de s'expliquer. C'est comme, par exemple, si une personne porte une amulette ou un pendentif, quelque chose qu'il met dans son cou, on pourrait penser que la personne le porte parce qu'elle cherche la protection contre le haïn ou la protection contre un mauvais sort, et on sait que ça c'est shirk, mais ça peut être un shirk akbar ou ça peut être un shirk asrar, et ça dépend de l'intention de la personne. Dans des cas comme ça, on peut pas juste voir quelqu'un, par exemple, dans la rue avec ce genre de choses dans son cou et tout de suite dire « Ah, cette personne, c'est un mouchrik » ou « Cette personne, c'est un kafir » puisqu'il faut savoir, il faut demander à la personne. Il faut que la personne montre que elle pense, est-ce qu'elle pense que ce pendentif-là a un pouvoir par lui-même en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il peut protéger et contrôler le mal ou le bien. Donc, si la personne croit ça, que le pendentif a un pouvoir indépendant d'Allah, eh bien ça c'est kufr akbar, c'est un kufr majeur. Et si la personne elle a cette aqidah et cette croyance-là, et qu'on a établi contre elle les preuves et qu'on a éliminé les empêchements, c'est clair que cette personne-là sera kafir. Tandis que si c'est une personne qui le porte et elle dit non, moi je ne crois pas que cette chose-là, elle a un pouvoir en lui-même. Non, elle n'a pas de pouvoir en lui-même. Mais ça peut aider, il pense que ça peut aider, ça peut être un moyen pour protéger contre le haïn et des choses de ce genre. Mais on va lui dire dans ce cas-là, non, ça c'est pas un moyen. Il n'y a pas de preuve dans le Coran ou dans la sunna pour prouver que c'est un moyen pour protéger contre la haine. Et ça, c'est une forme de shirk asrar. Et c'est dangereux, c'est très dangereux. Ça peut même amener au shirk akbar. Donc, c'est quelque chose qui est interdit. Et qui est très grave. Donc, on clarifie pour la personne. Donc, c'est pour ça que il y a des actions qui sont clairement coupées. Il y a des actions et des paroles qui sont clairement kufr, qui ne peuvent impliquer rien d'autre, tandis qu'il y a d'autres paroles ou des actions qui peuvent impliquer quelque chose qui est kufr ou autre. Dans des cas comme ça, il faut clarifier, demander à la personne de clarifier. Voilà qu'est-ce que le point voulait, qu'est-ce qu'on voulait dire par ce point-là. Maintenant, le point numéro 10, al-dabitul ashir, amr al-takfir lil-mu'ayyan min al-muslimin la budda fihi min qiyam al-hujja. وثبوت الشروط وانتفاء الموانع والحاكم المسلم أكد الشارع فيه أكد الشارع هذا في حقه. عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبيعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا, وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه, وأن لا ينقل عن ذلك إلا بيقين, إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وعلى هذا فإن مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم, وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهو الإسلام, وهو الحكم بإسلامه, فلا يحكم بكفره زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة حتى تتحقق خمسة أمور. Donc le cheikh il explique que comme point principe numéro 10 que la question du takfir par rapport à l'individu parmi les musulmans, il faut absolument qu'il y ait l'établissement de la preuve, la vérification des conditions, la présence des conditions et l'élimination des empêchements. Et le juge, le dirigeant musulman, il est encore plus protégé par rapport à ce verdict-là, par la charia, que le reste des individus parmi les musulmans. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné par rapport aux dirigeants des règles encore plus sévères par rapport au verdict du takfir par rapport à un dirigeant musulman qu'à un musulman du commun. Donc je ne sais pas si c'est clair qu'est-ce que je dis, mais c'est que pour le musulman du commun, pour faire son takfir, il faut établir la preuve, il faut vérifier la présence des conditions et il faut vérifier que les empêchements sont éliminés. Pour le dirigeant musulman, c'est encore plus sévère, c'est encore plus strict par rapport à son cas. Et il mentionne le hadith de Junada ibn Abi Umayya. Il dit, nous sommes rentrés voir Ubadah ibn Samit et il était malade. On lui a dit que Allah te guérisse. Et ils ont dit, mentionne-nous un hadith par lequel Allah subhanahu wa ta'ala va te faire un bien et que tu as entendu du messager d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Ubadah ibn Samit a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés et nous lui avons donné un serment d'allégeance à ce moment-là. Et parmi les éléments qui faisaient partie des conditions de cette allégeance, de cette bay'a, il y avait les clauses suivantes ou les points suivants, que nous donnons notre allégeance sur l'écoute et l'obéissance dans ce qui nous motive et dans ce qui nous déplaît, dans ce qui est facile, dans ce qui est difficile et dans ce qui est facile, c'est-à-dire dans la facilité et dans la difficulté. Wa atharatan alayna, c'est-à-dire même si ceux qui sont dirigeants sur nous se donnent des privilèges par rapport aux choses de la vie, ça s'accapare des bonnes choses de la dunya et nous prive de nos droits, et de ne pas disputer le commandement à celui qui le détient, et excepté si on voit un coffre clair au sujet duquel vous avez une preuve venant d'Allah à son sujet. Donc ça c'est le point en question. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le cheikh il dit que le hadith en question, il montre que à la base le dirigeant musulman, on doit juger de son islam. Et on n'a pas le droit de le faire sortir de ce verdict-là, excepté par une certitude. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on soit certain qu'il ait commis un kofr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, excepté si vous voyez un kofr qui est clair, hein, qui est apparent, au sujet duquel il y a à son sujet une preuve, une évidence venant d'Allah. Et donc, Cheikh il dit, et donc, selon ce qui est mentionné dans ce hadith, on ne peut pas se baser uniquement sur la conjecture ou sur qu'est-ce qu'on pense, hein, ou quelque chose qui est douteux. On n'a pas le droit de se baser sur ce genre de choses pour juger de la mécréance d'un dirigeant. Il dit, et tant que la situation est telle qu'on l'a mentionné, il faut revenir à la base. Tant qu'on n'a pas de preuves claires, évidentes, hein, et bien dans ce cas-là, on doit revenir à la base, c'est-à-dire de juger de l'islam de ce dirigeant-là. Et il n'est pas permis de juger de sa mécréance. فَلَا يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ زِيَادَةً عَلَى ثُبُوتٍ. Donc, on n'a pas le droit de juger de sa mécréance en plus, par-dessus ce qui a été dit, pour le musulman, parmi les communs des musulmans, du fait qu'il faut respecter les conditions, voir que les conditions sont présentes, qu'on a éliminé les empêchements et qu'on a établi la preuve. En plus de ça, il faut vérifier cinq choses en plus. Donc le cheikh il dit al-awwal an nara minhu kufran fa ahala ila ar-ru'ya wal aslu annaha ar-ru'ya al-basariyya wal murad an yatahaqqaq hadha al-amr min al-hakim an yatahaqqaq hadha min al-hakim wa yathbut bi yaqin fala yakfi fihi mujarrad al-qawl والزعم والنقل للخبر بدون تحقق ذلك يقينا ويحققه أن القاعدة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. Donc le point numéro 1, parmi les choses qu'on doit vérifier en plus, c'est qu'il faut qu'on ait vu le coffre. Donc, on a ramené le kufr ici à la vue, c'est-à-dire, à la base, quand on parle de ru'ya, on parle de la vue avec les yeux. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Le cheikh, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est de vérifier que cette chose-là s'est vraiment produite de la part de ce dirigeant-là et d'affirmer cela avec certitude. C'est pas suffisant de se baser sur la parole ou sur la pensée. L'idée, hein, de dire oh, je pense que ça c'est arrivé, ou de se ramener de se baser sur une information qui aurait été transmise sans vérification certaine. Et donc il faut pour savoir la véracité de ce principe là c'est la règle qu'on a mentionnée déjà, je pense, dans les cours précédents, al-qa'ida أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين. C'est-à-dire que si quelqu'un en a établi que son islam est certain, on l'a établi avec certitude, eh bien on ne peut lui enlever son islam, ou on ne peut pas prétendre qu'il a quitté l'islam, excepté par une certitude aussi. Il faut que ce soit une certitude et non pas un doute. الثاني أن يكون ذلك ثابتا للجماعة. وهذا مأخوذ من دلالة واو الجماعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Donc le cheikh il mentionne comme deuxième condition, comme deuxième point à vérifier par rapport aux dirigeants, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui a été vu et confirmé par le groupe, hein, par le groupe. Et ça, c'est pris du « waouh » du pluriel ou du groupe en arabe, dans le hadith en question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Illa an taraw » et « taraw » c'est le pluriel, que vous ayez vu. Donc c'est pas suffisant que ce soit une seule personne qui ait vu, il faut que ce soit quelque chose qui est fait devant plusieurs personnes. Donc « Illa an taraw kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhan » Donc le point numéro 3, أن يكون الأمر كفرا فلا يكفي كونه كبيرا من الكبائر. Donc il faut que la chose en question qui a été vue soit un kufr. C'est pas suffisant que il faut pas que ce soit quelque chose comme un grand péché parmi les grands péchés. Hein? Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est kufr. Ok? Parce qu'il y en a des fois, ils voient un dirigeant qui commet un grand péché et ils se basent là-dessus pour dire ah ça y est. Hein? Ça y est, comme si ça y est, c'est permis maintenant, on a le droit de sortir contre lui, on a le droit de parler contre lui, ou des choses comme ça. Et ça, c'est pas le cas, puisque hein, il faut que ce soit un kufr. Le point numéro 4, الرابع أن يكون ظاهرا وهذا معنى بواحا. Donc, il faut que l'affaire soit apparente. Et c'est ça la signification ici du mot bawah, que la chose soit apparente et visible, claire. Al-khamis, indana fi hadha al-amr al-dalil wal-burhan wal-hujjah min Allah ta'ala fi annahu kufr. Fal-amru al-mukhtalafu fihi la yukfar bihi. Donc le point numéro 5 ici, il dit que nous avons ici le il faut savoir que cette chose à propos de laquelle cette chose là qu'on a dit que c'est kufr, hein, et qu'on l'a vu en train, on a vu cette personne en train de la faire, hein, et de façon claire, il dit il faut qu'il y ait à son sujet une preuve venant d'Allah, une évidence que c'est kufr. Il faut pas que ce soit des choses parmi les choses sur lesquelles il y a des divergences, hein. Il ne faut pas que ce soit quelque chose sur lequel il y a des divergences parmi les ulama. Pardon. Donc il ne faut pas qu'il y ait des divergences au sujet de cette chose. Donc ça c'est ce qui conclut le point numéro 10. Le point numéro 11, Al-Dabitul Hadi Ashar. Na'am. Al-Hadi Ashar, La takfira bil ma'asi wa dhunub. Wa in kanat kaba'ir. Ma lam tustahal. وهذا هو الفرق بين جنس المعاصي والذنوب وجنس المكفرات المخرجة من الملة. نعم. Donc le cheikh il dit ici que le takfir, il faut que ce soit par le kufr et non pas par des péchés, hein, ou des grands péchés que quelqu'un peut commettre, hein. Donc si c'est quelqu'un qui commet des péchés, qui boit de l'alcool, qui fait le zina ou des choses de ce genre, ça c'est des péchés parmi les grands péchés, mais ça ne rentre pas dans le kufr tant que la personne ne l'a pas rendu halal. La chose en question, le grand péché en question, ça c'est pas kufr. Comme par exemple tuer, voler, faire le zina, boire de l'alcool ou des choses de ce genre, manger du porc, ça c'est des grands péchés. Tant que la personne ne le rend pas halal, explicitement, hein, en disant « oui, moi je crois que ça c'est halal », si la personne dit « moi je crois que ça c'est halal », hein, et qu'elle connaît les preuves, elle devient, dans ce cas-là, elle va devenir kafir. Il dit « c'est ça la différence entre les péchés et les choses qui sont des formes de kufr qui font sortir de la religion. Il faut distinguer entre les deux. » Et il y a une chose aussi ici que je voudrais rajouter, qui fait partie des choses qui ont fait tomber beaucoup de gens dans le takfir à ce sujet-là, c'est qu'il y a des gens qui voient que des personnes font des grands péchés et ils rajoutent que les péchés ne font pas devenir quelqu'un kafir. Toutefois, ils disent que la personne, si elle persiste à le faire, ils considèrent que ça c'est une forme d'istihlal. Ils vont dire, si la personne, elle commet un grand péché, puis tu lui dis d'arrêter de le faire, puis qu'elle continue à le faire et elle persiste à le faire, après, donc, ils considèrent que ça, ça veut dire qu'ils l'ont rendu halal, et ils vont déclarer la personne comme étant mécréante, après. Et c'est une forme de takfir. Et ça, c'est faux. Et il y a plein de ulama qui ont clarifié que le fait de persister à faire un grand péché, ça ne veut pas dire que la personne l'a rendu halal. Pour que la personne l'ait rendu halal, il faut que la personne le dise explicitement. Et ça, ça a été les erreurs de certains parmi ceux qui ont commis des erreurs dans les questions de takfir et qui ont suivi la voie des khawarij dans cette question-là, comme Abu Ishaq al-Huwayni, puisque lui, il répète ça, il a répété ça plusieurs fois, que s'il voit quelqu'un qui fait un grand péché, puis que la personne, après que tu lui aies dit, persiste à le faire, il considère que la personne l'a rendu halal et que la personne est devenue mécréante à cause de ça. Et ça, bien entendu, c'est pas ça l'istihlal. Et comme Cheikh Al-Fawzan a répondu à ce sujet-là, Cheikh Al-Fawzan a dit, l'istihlal, le fait de rendre halal, c'est quelque chose que la personne doit dire avec sa bouche explicitement qu'elle le rend halal, et non pas le simple fait de faire l'action. Et ce même erreur-là, on l'a entendu auparavant dans la bouche de Salman al-Ouda et dans ses livres, et également de Safar al-Hawali et d'autres aussi qui ont fait ces erreurs dans cette question-là, de croire que l'action de faire un péché peut faire quelqu'un rentrer dans le kufr ou faire que la personne devient kafir si elle persiste à le faire. Donc ça, c'est des nuances qui existent chez les exemples des gens qui suivent la voie des khawarij à notre époque. Et le point numéro 11, le point numéro 12, c'est le dernier point, le dernier principe, c'est le suivant. الضابط الثاني عشر الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب وهو على نوعين النوع الأول الاستحلال المكفر المخرج من الملة وضابطه أن يقوم لدى الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه الله ثم هو يعتقد أنه حلال والنوع الثاني الاستحلال الغير المخرج من الملة وهو الاستحلال العملي بمعنى فعل المعصية مع الاعتراف بكونها معصية وأنه آثم وأنه مستحق للعقوبة والاستحلال العملي لا يمنع وجوده في المؤمن لكنه والحال هذه يستحق اسم الإيمان المطلق وإنما هو مؤمن لا يستحق اسم الإيمان المطلق وإنما هو مؤمن فاسق. Donc ça, c'est le point ici. Le cheikh, il dit que le point numéro 12, c'est le fait de il faut savoir que l'istihlal, le fait de rendre quelque chose qui est haram, tu le rends halal, ça revient à la croyance et au cœur à la base. Et l'istihlal, le fait de rendre quelque chose qui est haram, tu le rends halal, c'est divisé en deux catégories. Il y a une catégorie qui est l'istihlal al-mukaffir, l'istihlal qui rend kafir et qui fait sortir de la religion. Et la deuxième, c'est l'istihlal qui ne fait pas sortir de la religion. La première catégorie, l'istihlal, le fait de rendre haram, le fait de rendre halal ce qui est haram, c'est qu'est-ce qui fait sortir de la religion. Le fait de rendre haram, le fait de rendre halal ce qui est haram, et tu crois ça dans ton cœur, c'est la définition de ça, comme le cheikh il le dit, c'est que la personne, elle a la connaissance que cette chose-là, Allah l'a rendue haram. Puis, dans son cœur, elle le rend halal. Ok? Donc ça, c'est qu'est-ce qui est le kufr. Puis la deuxième catégorie, c'est al-istihlal ghayr al-mukhrij min al-millah. Donc la forme d'istihlal qui ne fait pas sortir de la religion, c'est l'istihlal al-amali. C'est-à-dire que tu rends la chose halal par tes actions. Comme par exemple, le fait de faire un péché. tout en reconnaissant que ce péché-là, c'est un péché et que c'est haram et que la personne qui le fait, elle mérite le châtiment. Donc, celui qui fait ce genre d'istihlal, qui rend halal dans ses actions, ça, ça ne fait pas sortir de la religion. Hein? Et la personne ne devient pas kafir parce qu'elle l'a fait. Hein? Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui mentionnent le hadith, qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à la fin des temps, il y a des gens qui vont rendre halal certains péchés. Et qu'est-ce qu'on veut dire dans ce hadith-là? C'est qu'ils rendent halal les péchés par leurs actions, mais c'est-à-dire qu'ils vont se permettre de faire ces péchés-là tout en sachant et en reconnaissant que ces choses-là sont interdites. Hein? Donc, du moment que la personne, elle fait ces péchés-là sans les rendre halal, hein, par sa croyance, et sans déclarer qu'elle croit que ces choses-là sont halal, donc, dans ce cas-là, la personne, elle est considérée comme un pécheur. Hein, et elle n'est pas considérée comme un mécréant ou une mécréante. D'accord? Et on va dire de cette personne-là qui commet ce genre de péché-là, sans le rendre halal, qu'elle est une personne qui a une foi faible, ou qui est un pécheur, un croyant pécheur. Le cheikh, il dit, قال ابن تيمية رحمه الله فحقيق بالمؤمن أن يحذر استحلال محارم الله وأن يعلم أن ذلك من أسباب العقوبة وذلك يقتضي أنه من أعظم الخطايا والمعاصي انتهى كلامه وقال ابن تيمية رحمه الله الاستحلال اعتقاد أنها هي المحارم التي حرمها القرآن حلال له وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود إلى عدم التصديق بصفة من صفاته وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر وهذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر منه وهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته أشد في مثله قيل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو إبليس ومن سلك سبيله وبهذا يظهر الفرق بين العاصي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب أن لا يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل ويحب أن لا يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وعمل ولكن لم يعمل لم يكمل العمل. انتهى كلامه. Donc ça c'est une longue citation que le cheikh il a mentionné. La première elle est plus courte. Il mentionne donc que le croyant doit faire attention à ce que Allah a interdit et il doit savoir que cela fait partie des choses qui font partie des plus grands châtiments. Yani, et ça implique également les plus grands péchés et désobéissances. Et il parle ici du fait de rendre halal en action, hein, et non pas de rendre halal par la croyance. Puis ensuite, il y a une longue citation qui est tirée de As-Sarim al-Masloul, dans laquelle il fait la distinction entre la personne qui, par exemple, rend halal ce qui est haram dans sa croyance, et il mentionne les différents cas d'istihlal dans les différentes catégories, comment ça peut se produire, soit parce que la personne croit que Allah l'a rendu halal, ou parce qu'il ne croit pas que Allah l'a interdit, ou parce qu'il ne croit pas que parce qu'il n'a pas la croyance que Allah l'a interdit, et il explique les causes de ça, soit que c'est un problème dans la foi en Ar-Rububiyya, ou à cause d'un problème dans la foi en la prophétie, et le fait que Allah envoie des messagers, et ainsi de suite, et qu'il a envoyé des livres, et des anges, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est une négation, et ça c'est une négation qui est à la base, qui n'est pas établie sur aucune introduction, ou ainsi de suite. Donc, il explique des différents cas de kufr par rapport à l'istihlal, le fait de nier l'interdiction de qu'est-ce qui est haram, par exemple. Puis ensuite, il donne d'autres cas de la personne qui ne va pas pratiquer, s'abstenir de ce qui est haram, ou qui va se permettre de faire ce qui est haram, non pas parce que la personne elle le fait par passion, ou parce qu'elle sait que la chose est haram, puis elle a une faiblesse dans sa foi, et donc elle reconnaît son interdiction, puis elle se permet de le faire à cause de la faiblesse de sa foi. Mais un autre cas, il parle du cas de la personne qui fait un acte, un péché, par arrogance et par opposition à l'ordre d'Allah. Donc ça, c'est pas la même chose. Hein? C'est comme quelqu'un qui fait une action pour défier, il fait un péché pour défier l'interdiction, hein? pour opposer l'interdiction que Allah a établie par arrogance et orgueil. Hein? Donc ça c'est une autre forme de kufr encore plus grand. Et il donne un exemple ensuite. Il donne d'autres exemples aussi par la suite, comme quelqu'un qui fait une action qui est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Oh non, plutôt la personne qui s'abstient de faire ce qui a été ordonné par arrogance, par fierté. Et puis il mentionne aussi la personne qui déteste quelque chose de la religion. Donc le cas de la personne qui déteste quelque chose de la religion, ça aussi c'est quelque chose qui est clair, que ça fait partie de qu'est-ce qui est kufr, puisque ça fait partie des nawaqid al-islam. Donc le cheikh ici, cheikh al-islam Ibn Taymiyyah, il mentionne plusieurs exemples, plusieurs cas de kufr. Comme par exemple Iblis, la'anallah, lorsque Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam, il a refusé de le faire. Mais c'est pas juste qu'il a refusé de le faire. Il a refusé de le faire en plus avec fierté et arrogance. Hein? Il a refusé de se soumettre à l'ordre d'Allah. Donc ça, c'était une forme de kufr. Hein? Donc il donne cet exemple-là. Puis à la fin, il mentionne la différence entre ces cas de kufr qu'on a mentionné et le péché. Il explique que la personne qui fait le péché, elle reconnaît l'obligation, où elle va reconnaître l'interdiction, mais à cause de ses désirs, de sa passion, hein, elle va se permettre de le faire, et ainsi de suite, tout en croyant en elle-même que c'est obligatoire de s'abstenir de ce qui est haram et de faire ce qui est obligatoire, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour distinguer entre les deux. Donc, il faut bien comprendre les différences entre ces deux choses-là et ne pas tomber dans les erreurs de ceux qui n'ont pas fait de la distinction entre ces deux choses-là. Donc, ça, c'est, on va conclure les principes, donc, avec ce qu'on a lu des paroles du Cheikh Bazmoul par rapport aux règles et aux principes. Donc, tous ces 12 principes-là qu'on a mentionnés sont des principes qui sont très importants, qui nous font comprendre la gravité et le danger de faire le takfir d'un individu, et que c'est quelque chose qui nécessite du ilm et de la connaissance et de la compréhension, et c'est des niveaux de ilm qui sont très élevés, qui ne sont pas des niveaux que n'importe quel talib ilm peut atteindre. C'est des niveaux et des degrés de science qui sont pas à la portée de n'importe qui. C'est uniquement à la portée de celui qui a vraiment établi une science qui est arrivée au niveau d'une science dans laquelle il est fermement enraciné dans la connaissance de l'islam et de ses principes et de ses règles. Donc, parfois, quelqu'un peut penser que certaines règles sont simples et qu'il est capable de les appliquer, mais à cause du fait qu'il lui manque des connaissances de la religion et de la compréhension, il va les appliquer à tort et à travers. Il va les appliquer sur des personnes qui ne méritent pas qu'on les applique sur elles. Il va déclarer kafir quelqu'un qui n'est pas kafir. Hein? Et donc, il risque de porter le poids de ça au jour de la résurrection. Et donc, pour préserver sa religion, préserver sa foi, il est préférable pour lui, hein, et il est ordonné à cette personne-là de ne pas rentrer dans ce domaine, de ne pas se permettre à lui-même de commencer à faire des verdicts à ce sujet-là, parce que ce sont des verdicts religieux et que c'est des choses sérieuses et graves comme qui ont des répercussions très sérieuses aussi dans la religion d'une personne. Et comme le prophète sallam a dit donc dans le hadith, comme on a mentionné dans les cours précédents, celui qui déclare son frère kafir, man kafara musliman fahuwa kaqatlu. Celui qui déclare un musulman mécréant, c'est comme s'il l'avait tué. C'est ça. Par rapport à la question là, ou la shubha, par rapport à ceux qui ont été trompés par les shubhat de Abu Ishaq al-Huwayni et ses semblables, il y a un livre qui a été écrit qui répond justement aux erreurs et aux shubhat de Abu Ishaq al-Huwayni, qui s'appelle Al-Hudud al-Fasila bayna usuli manhaj al-Salaf al-Salih wa usul al-Qutbiyya al-Sururiyya. Et la première shubha qui est examinée dans ce livre, parmi les erreurs de Al-Huwayni, c'est justement la question du takfir de celui qui fait des kaba'ir et la question de l'istihlal. Donc celui qui connaît l'arabe un peu, qui connaît suffisamment l'arabe et qui veut avoir plus de détails sur cette question-là, le cheikh qui a écrit le livre, il a ramené, c'est le cheikh Abu Abdel-A'la, Khalid ibn Muhammad ibn Othman al-Misri, il a ramené les paroles des ulama, les fatwas des ulama sur cette question-là, et il a vraiment élaboré beaucoup là-dessus. Donc, vous pouvez retourner à ce livre-là pour avoir plus d'explications et de clarifications, inshallah. Donc, on va s'arrêter tout de suite. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.